Il est 19h sur le 89.5 de la bande FM sur Synthé et alentour. C'est le quatrième dimanche du mois et donc c'est joie, rage et courage. Une petite heure de son, de lecture, de bruit, de digitation, de bordel technique. Tout ça pour parler d'un sujet. Aujourd'hui, la Guadeloupe. Eh ben ouais, que faire quand le plan de l'émission tombe à l'eau quelques jours juste avant la date butoir, et ben on se retourne vers l'actualité. Et puis là, ben on entend des trucs hein, pas très très jojo. Partiront de la Guadeloupe et soumis à des contestations fortes, suite notamment à l'obligation vaccinale demandée par la loi de la République afin de protéger nos concitoyens ultramarins, singulièrement de la Guadeloupe, évidemment de cette maladie terrible qu'est le Covid. Le préfet, qui aujourd'hui, avec les services de l'État, courageusement rétablit l'ordre public, a à sa disposition désormais 2250 policiers et gendarmes que nous avons décidé depuis 48 heures et jusqu'à maintenant, qui arrivent dans les prochaines heures pour une grande partie des forces supplémentaires que nous lui avons octroyées, des avions sont partis, pour pouvoir rétablir l'ordre, et notamment une cinquantaine d'agents du GIGN et du RAID, puisque nous avons constaté que non seulement le désordre existait, mais qu'en plus des tirs à balles réelles ont pu avoir lieu contre des agents de la force publique, notamment des gendarmes, mais aussi désormais des pillages qui n'ont rien à voir avec la contestation sanitaire, si j'ose dire et m'exprimer ainsi, sur l'île. Donc d'abord, le premier message est celui de la fermeté de l'État. 31 interpellations ont eu lieu depuis hier, 31 gardes à vue et 5 déferments déjà ont eu lieu par les services de l'autorité judiciaire. Et nous comptons bien effectivement la réponse ferme de l'État vis-à-vis de ceux qui commettent le désordre public et qui s'en prennent à des policiers, à des gendarmes, à des biens publics et à des biens privés. Nous sommes aujourd'hui en cellule de crise. Nous aurons l'occasion d'en poursuivre effectivement le suivi avec le lien permanent que nous avons avec Monsieur le Préfet et l'encouragement que nous avons vis-à-vis des agents de l'État qui font ce travail difficile sur place. Aujourd'hui, 80% pourtant du personnel de santé est vacciné et on voit bien évidemment que dans des conditions extrêmement difficiles, pendant quelques heures, les hôpitaux notamment n'ont pas pu être ravitaillés, les personnes dialysées n'ont pas pu se rendre à l'hôpital, les repas n'ont pas pu être servis. Et nous voulons dire que les actes inciviques mal, hein, qui consistent à mettre du désordre dans la rue empêchent en premier lieu les hôpitaux. Ça fait mal d'écouter ça, eh oui. Donc bah voilà, c'était Darmanin hier soir qui nous racontait l'envoi des troupes de GIGN et du RAID en Guadeloupe. Et ben du coup, ça donne envie de se pencher sur ça. Et puis ça donne envie de revenir un peu en arrière, histoire de parler aussi de ce qui s'était passé un peu avant et du traitement. Enfin, très rapidement, parce qu'il y a plein de choses à dire, du traitement policier des répressions des mouvements sociaux là-bas. Mais avant, on va commencer par un petit morceau que je n'ai pas calé, mais que je vais vous présenter d'abord. C'est Agag. Ça parle de mai 67 et de l'émeute qui a eu lieu là-bas, qui a fait 87 morts, voilà, enfin 87 morts à minima, parce que certaines sources parlent d'une centaine de morts. Bref, voilà, c'est Agag, un morceau qui s'appelle mai 67 en Guadeloupe. C'est parti. Appuyez à l'assassin, appuyez Bouo. Légionnaire déclaré la guerre à la Guadeloupe. Colonialiste en 67. Aïe, Nestor tombé, t'arrêtes Olé, voilà quand on n'est pas prêt. Eh ben voilà, mai 67 en Guadeloupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est suite à une violence raciste supplémentaire, une de plus, où un béquet a lâché son chien sur une personne qui avait une petite boutique de rue. Bref, suite à ça, il y a eu des mouvements, des émeutes. Et du coup, ces émeutes ont été, et un mouvement social, une grève des maçons, il me semble. Suite à ça, et ben, il y a eu un mouvement de répression. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de parler d'abord de ça, de commencer par ça, de lire un texte de Mathieu Rigouste et qui retrace un peu la généalogie du préfet qui a fait organiser cette répression, et puis qui laisse à réfléchir sur l'incidence sur globalement la politique, la stratégie de répression en France. Les 26 et 27 mai 1967, l'État français a encadré le massacre de révolte populaire en Guadeloupe. Structuré par le racisme et la colonialité du pouvoir, ce crime découle aussi de l'application d'une doctrine de guerre policière. Les archives inédites du préfet de Guadeloupe, Pierre Bolotte, montrent qu'un modèle de contre-insurrection a été expérimenté. Formé pendant la guerre d'Indochine puis sous-préfet en Algérie, ce professionnel de ce que l'armée appelle la pacification deviendra le premier préfet de la Seine-Saint-Denis où il supervisera la création et le déploiement de la brigade anti-criminalité, la BAC. Le parcours du préfet Pierre Bolotte retrace lui seul la généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire contemporain. Une guerre anti-subversive forgée en Indochine. Entré dans le corps préfectoral en 1944, sous l'occupation nazie, Pierre Bolotte est reconduit à son poste après la libération. Normal, quoi. Sa carrière de pacificateur colonial commence en début des années 1950. Secrétaire général de la Guadeloupe en 1951 et 1952, il rejoint en avril 1952 le cabinet du ministre d'État pour l'Indochine. Il y fait le lien entre la colonie et la métropole. Bolotte fait alors partie des cadres civils qui participent à la réflexion et à l'expérimentation de formes militaro-policières, de répression et de gouvernement qui donnent naissance à la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire. Ce modèle de contre-insurrection programme la destruction de l'organisation ennemie en brisant toute forme de résistance dans la population. Après l'Indochine, Pierre Bolotte est affecté à sa demande en Algérie. Sous-préfet de Miliana de 1955 à 1956, il a la possibilité de mettre en action ce que m'avaient appris les affaires d'Indochine, écrit-il dans ses mémoires. Bolotte transfère alors et réagence des hiérarchies parallèles, structures d'encadrement et de surveillance de la population. Il établit un bureau militaire et met en place des unités mixtes militaires et policières. Selon lui, il faut quadriller le territoire, fournir du travail aux populations et taper fort dès les prémices de résistance collective. Dans une lettre confidentielle qu'il envoie au Premier ministre le 28 février 1956, il propose pour l'Algérie un pouvoir fort, peut-être même dictatorial, qui comporterait le retour à l'ordre et le véritable progrès économique et social. Il est promu directeur du cabinet du préfet d'Algérie en août. Il renforce la police et établit des échanges entre les préfectures d'Alger et de Paris. Bref, il est galonné. À Alger, Bolotte crée et répartit des patrouilles de 8 à 10 hommes dans les 4 quartiers sensibles. Il étend ensuite leur mission de surveillance, puis développe des nouvelles méthodes. En composant ces patrouilles de militaires ou de CRS, livrées à elles-mêmes, il expérimente ainsi des prototypes de commandos de police autonomisés. Cette expérience est fondatrice de son savoir en matière de répression. En gros, il envoie des keufs se faire plaisir dans les rues des quartiers sensibles. Sensible pour l'État français. Bolotte forge à Alger un modèle d'encadrement militaro-policier, racialisé et sexualisé des quartiers colonisés depuis le répertoire contre-insurrectionnel indochinois. Il participe aussi à la conception de la bataille d'Alger, première grande application de cette guerre moderne en ville par la militarisation de la Casbah en 1957. Menacé par la montée en puissance de la connexion entre militaires et colons, ultra, Bolotte maintient l'idée que toute guerre antiterroriste est une sale guerre et qu'il faut en passer par là si l'on veut ramener l'ordre et la paix. Et voilà, tout a un prix. Comme tous les partisans d'un déploiement et d'une exportation de cette doctrine, il considère que la bataille d'Alger a réussi à soumettre le mouvement de la libération algérien. Il omet et cache ainsi les soulèvements populaires de décembre 60 qui ont ruiné ce mythe. En septembre 58, Pierre Belote est muté à La Réunion. Il y développe une politique de pacification, entre guillemets, néocoloniale, pour éviter le, entre guillemets encore, pour éviter le développement d'une tendance plus ou moins autonomiste. Depuis cette grille de lecture, il dirige des programmes de contraception forcée et de déportation en métropole. Sympa. En juin 65, il ne s'arrête pas là. Il obtient le titre de préfet et est nommé en Guadeloupe. Après un tour des notables et des administrations, il se dit, entre guillemets, informé et convaincu de l'existence de plusieurs petits organismes qui militaient pour l'autonomie et même pour l'indépendance. Il met alors en alerte les cabinets ministériels Matignon et l'Élysée. Entre guillemets toujours, je fus entendu et je revins persuadé qu'il y avait là une menace directe contre les départements français de la Caraïbe, écrit-il, confirmant déjà l'application de la grille de lecture antisubversive de la Guadeloupe. L'État se focalise alors sur le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, GONG, fondé à Paris en 63. Celui-ci compte une dizaine de membres qui revendiquent l'autodétermination, écrivent des slogans indépendantistes sur les murs et diffusent des tracts dans les luttes sociales. En 66, l'île est dévastée par un cyclone. Les inégalités structurelles amplifient la dégradation des conditions de vie et la colère sociale se renforce. Le 20 mars 67, à Basse-Terre, un riche marchand blanc lance son chien contre un cordonnier noir handicapé. Une révolte éclate et les magasins sont mis à sac. Des jeunes gens plus ou moins organisés arrivèrent. Il y avait parmi eux des adhérents bien repérés du GONG, d'organisme leader de l'autonomisme, affirme Belote. Il reprend. Redoutant de le pire de la part des autonomistes, il envoie la police et des renforts de gendarmerie pour disperser, entre guillemets. Il interdit toute réunion et menace les agitateurs irresponsables. Le gouvernement, lui, assure sa pleine confiance et lui affirme que cette organisation séparatiste est à traiter sans ménagement aucun. Fin mai, les ouvriers du bâtiment entament une grève pour les augmentations de salaire. Le 26 mai, devant le siège où les négociations sont bloquées par le patronat et le préfet, les insultes fusent contre les CRS. L'ordre est donné de disperser les manifestants et des manifestants contre-attaquent. Des forces de l'ordre reçoivent des projectiles et comptent des blessés. Belote décrit, je crois qu'on comptera 30 flics blessés. Belote décrit contre plus de 87 Guadeloupéens assassinés. Belote décrit le centre de Pointe-à-Pitre proie d'une véritable flambée de violence. Jacques Nestor, militant du GONG ciblé par les renseignements depuis mars 67, est abattu. Comme l'a confirmé une commission d'information et de recherche mise en place en 2014. Il a sans doute été visé intentionnellement par un policier. Deux autres manifestants s'effondrent une balle dans le front. Il a fallu lui dégager la place avec une certaine violence, écrira Jacques Faucard. Que des noms sympas. Secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches. La nouvelle se répand et Pointe-à-Pitre se soulève. Des blancs sont attaqués et deux armureries pillées. Des jeunes des bidonvilles accourent vers le centre-ville pour défier l'ordre colonial, comme en décembre 60 en Algérie. Belote déploie des gardes mobiles formés dans et par la garde d'Algérie. Comme une grande part des troupes et des cadres dirigeants des états-majors policiers, militaires et politiques de l'époque, le préfet est dès lors couvert par Faucard auprès de De Gaulle. L'armée est autorisée à tirer pour maintenir une forme de couvre-feu. Des témoins décrivent plusieurs personnes abattues dans la rue, des tabassages et des corps à la sous-préfecture, des tortures lors d'interrogatoires et des disparitions forcées. L'aspect technique et systématique de ces violences militaro-policières est caractéristique de l'appareillage anti-subversif. Le lendemain, le 27 mai, un millier de lycéens défilent dans les rues pour soutenir les ouvriers et dénoncent la répression. Belote assure que des meneurs du GONG incitaient les élèves à manifester. Il fait alors procéder au quadrillage des carrefours de la ville et des accès. Les lycéens sont dispersés sans ménagement, les affrontements reprennent et les gendarmes tirent. L'État reconnaîtra officiellement 8 morts, mais des témoignages suggèrent un chiffre bien supérieur. Le procès intenté en 68 contre les différents militants, notamment du GONG, prouvera par ailleurs son absence d'implication et les caractères spontanés de la révolte de mai 67. Fin juin 67, Pierre Belote est envoyé à Paris et devient en 69 le premier préfet d'un nouveau département expérimental, les Seine-Saint-Denis. Le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, passionné de contre-insurrection, eh oui, chacun sa passion, le charge de concevoir une nouvelle architecture de police. Sous l'autorité de Belote, l'officier Claude Durand conçoit une police anticriminalité pour chasser les nouvelles figures de l'ennemi intérieur dans les quartiers populaires. Les premières brigades anticriminalité, BAC, est fondée en 71 à Saint-Denis, en adaptant pour la ségrégation néolibérale les techniques de la police élaborées par Belote à Alger. Ces unités sont généralisées en avril 73. Le préfet s'implique pour qu'on développe ces « îlotages » entre guillemets dans tous les quartiers des banlieues à forte population immigrée, où tous ces actes criminels de plus en plus nombreux, insensibles et agressifs, sont allés se développant. Tout cela représente le retour d'une barbarie primitive et c'est un pas en arrière de nos civilisations, résume-t-il au tournant des années 2000. La carrière du préfet Belote montre comment l'ordre sécuritaire émerge au croisement de la restructuration néolibérale et de la contre-révolution coloniale. On y voit l'industrie de la guerre policière se développer face à la récomposition constante de résistance populaire. Bref, voilà. Il me semblait, avant de commencer cette émission sur ce qui se passe en Guadeloupe, faire cette large introduction sur ce qui s'est passé en 67. Il y aurait plein de choses à dire et il y a, si vous cherchez bien, des podcasts super intéressants sur cette révolte voilà. Je vous invite à les chercher, les trouver, les écouter. J'en mettrai en lien sur le site joueurageetcourage.noblogs.org. Et puis, voilà. En tout cas, rappelons-nous les commémorations de 68. Moi, personnellement, je ne me rappelle pas de commémoration de 67. Voilà. Et ben, pour passer à autre chose, je vais vous passer un petit morceau de la grève Barry Moine. C'est une chanson qui est pas guadeloupéenne, hein, qui est martiniquaise, qui raconte la grève des ouvriers des plantations de canne à sucre en 1900 à la Martinique. Voilà. Et ça nous permettra de faire le lien avec la suite et ce qui se passe actuellement en Guadeloupe. Allez, hop, je pousse le bouton du son et c'est parti, la grève Barry Moine par Cali. bagay bay de fan. Ouè ouè ouè. Grève Barry Moyne, voilà, ça, en fait, ça raconte une petite fille qui veut aller à la ville et qui est bloquée par les grévistes qui bloquent les rues. Et vous allez voir, eh ben, ça, c'était à la Martinique en 1900, mais c'est toujours c'est une mode d'action qui est utilisée aujourd'hui en Guadeloupe. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe en fait, les médias métropolitains français et le ministre mettent l'accent sur le fait que c'est un mouvement contre les vaccins, contre le pass sanitaire. Donc, c'est pas si simple que ça. Et surtout, c'est un peu nier ce qui se passe autour, en fait. Enfin, que c'est pas dans n'importe quel contexte et issu de n'importe quelle histoire de mouvement social. Du coup, en fait, pour essayer de comprendre, eh ben, j'ai essayé de retrouver des revendications, des prises de parole pour ben, les diffuser. Et donc, on va d'abord passer un son qui est en fait la parole d'un soignant qui annonce en fait le début du mouvement, le début de la grève et le début de déblocage. On va écouter ça. C'est l'air d'être une prise de parole après une réunion qui a décidé le blocage. Normalement, ça marche, mais là, ça ne marche pas. Comment ça se fait? Parce que c'est pas le bon bouton. Je reviens en arrière. Hop, le tac. Qui, est-ce pas vous... Et c'est parti. 5h30, et nous allons débattre, nous allons descendre. Il y aura des problèmes sur la route. Et alors? Le qui, est-ce que vous serez là? Vous avez bien compris, Bellefontaine, Trinité, François, Rivers-Allée, rendez-vous à 5h30. Et nous allons débattre, nous allons descendre. Il y aura des problèmes sur la route. Et alors? Il y aura des difficultés pour arriver à l'école. Et alors? Il y aura des difficultés pour arriver au travail. Et alors? Pendant que vous êtes sur la route, réfléchissez à tout ce que nous avons dit ce soir. Réfléchissez. Parce que je finis tant encore pour notre autres de descendre au travail. Nous qui aurons la route là, nous sommes en sursis de vie professionnelle. Moi qui a parlé à mon père, il souvent l'aide demain, après-demain, après-demain. Et j'en suis conscient. Mais je l'affirme. Pour ceux qui a parlé par l'inutile. J'ai reçu mes courriers comme tout le monde. Rien à foutre. Au combat. Faites-en ceux qui ont le temps de découper les cheveux en quatre, ceux qui ont le temps de dire oui mais, ceux qui ont le temps de prendre la réflexion. Nous paniquons, nous. Il y a urgence pour nous. Il y a urgence pour qu'on dise non. Et nous serons là, présents tous les jours, de la semaine, jusqu'à temps que tout le monde comprenne qu'au 22, là va l'acte pour tomber. Prenez vos responsabilités tous, parce que nous sommes en responsabilité depuis un moment. Nous donnons l'exemple depuis un moment. Nous sommes soudés, unis depuis un moment. Comprenez ce qui est en train de se passer. Comprenez tout ce que nous avons démontré. Comprenez de quoi depuis 2 ans. Nous sommes au four et au moulin, comme on dit. Nous n'avons jamais, jamais baissé les bras. Faites-en autant. Mettez-vous au combat. Les hommes politiques, ceux qui souhaitent gloire et plus bon, parce que si demain, c'est le tour de l'ARS, après-demain ou après-après-demain, ce sera votre... Et voilà, c'était donc l'invocation d'un soignant. Et ben donc voilà, il est, je le trouve super intéressant cette ce son. Et puis ben, il va faire avec quoi d'autres sons qu'on va passer. On va commencer, on va enchaîner par une revendication du LKP. On décrira un peu plus après ce que c'est que le LKP. Allez, c'est parti. Commencer à faire un certain nombre de petits barrages de Escarmouche et nous allons monter crescendo et nous allons assumer et nous allons dire encore il n'est pas normal qu'il y ait un pays dit civilisé en 2021. Donc si maintenant ça nous décide de prendre la rue là et de mettre nous volontairement la rue là pour nous payer vrai caillou nous. Et donc depuis lundi, nous commençons à faire un certain nombre de petits barrages de Escarmouche et nous allons monter crescendo et nous allons assumer et nous allons dire encore il n'est pas normal qu'il y ait un pays dit civilisé en 2021 qu'il y ait des travailleurs, qu'il y ait des travailleurs salariés, qu'il y ait des chômeurs, qu'il y ait des retraités, qu'il y ait des peuples Guadeloupe qui ont manifesté en la rue, qui a dit très clairement à plus de 75% qu'il n'y ait pas d'accord avec politique vaccinale, qui n'est pas d'accord avec la gestion à crise sanitaire, là, qui a demandé des comptes, notamment les paquets de morts qui sont en Guadeloupe, là, parce qu'il n'y a pas de soin pour Guadeloupéens, et que je dis la seule réponse à l'État français, c'est le mépris, c'est les intimidations et c'est la répression. Nous pas qu'à accepter ça. Il faut respecter les travailleurs Guadeloupe, il faut respecter les peuples Guadeloupe, il faut respecter les Guadeloupéens. Il est hors de question que nous acceptions autant de mépris. Et donc c'est pour ça que nous demandons tous les travailleurs, nous demandons tous les salariés, nous demandons de tout chômeur, nous commandons tout retraité, nous commandons tout le monde qui est pris de justice et de liberté, de rejoindre les piquets de grève, de rejoindre les barrages, de mettre à disposition de façon à ce que nous rachions négociations en laissant travailler et peuple Guadeloupe commandé aujourd'hui là. Nous ne pouvons pas subir mépris et indignité comme ça en pays là, ça n'est pas normal. Et donc nous allons lancer un appel à l'unité, à la solidarité et demander salariés, travailleurs, chômeurs, retraités, tout le monde, de rejoindre la lutte, quand yo vle, de façon à ce que ces messieurs respectent nous. Et encore une fois, non, nous pas mériter ça, il a passé là, du tout. Et là, nous attendons, nous allons les zones qui ont 87% ou 90% de taux de vaccination à dans l'hôpital là, c'est faux, archi-faux. Je dis là, si vous tiennent compte de ça, vous allez créer le statut vaccinal complet, qui c'est au moins 2 doses, plus son troisième, à moins de 6 mois, eh bien, quasiment pas moun bani statut vaccinal complet. Or, yo te ka di yo que le statut vaccinal complet censé protéger moun. Jodi la, la preuve est faite, c'est pas en politique sanitaire, c'est pas en politique de santé publique, c'est en politique qui est basée sur l'asservissement, si la remise en cause des libertés, si la soumission et si le piétinement des droits et des libertés. Voilà, c'était la prise de parole du donc c'était Domota, hein, peut-être que ça vous parle comme nom. Elie Domota, c'est un des leaders du LKP. Alors LKP, c'est un mouvement en gros qui ça s'appelle Lianage contre Profitation. Je suis désolé, je parle très mal, enfin je parle pas le créole, donc je vais peut-être écorcher des noms et des mots, mais donc voilà, c'est un groupe collectif qui regroupe des syndicats, des collectifs de lutte et qui ont été super présents, notamment dans le mouvement en 2009. Voilà. Et c'est un mouvement On verra, c'est un mouvement qui a été très important dans le mouvement actuellement en Guadeloupe, mais c'est aussi une des formes d'action qui fait que ça dépasse les organisations. Il y a des syndicats, des trucs, donc des corporations, donc on a vu les soignants, on en entend beaucoup parler. Il y a aussi beaucoup les pompiers qui sont sur les barrages qui ont été mis en place. Donc les barrages, c'est des barrages qui quadrillent un peu la ville. Et alors notamment les centres hospitaliers, et du coup et ben Darmanin il joue de ça pour envoyer les keufs, pour dire en fait les barrages empêchent les gens d'aller se soigner, alors qu'en fait c'est faux. Les barrages filtrent juste l'accès, mais les gens ont accès à l'hôpital. Pour ça moi j'ai beaucoup fouillé et je suis tombé sur une espèce de chaîne de télé locale, Canal 10, et vous allez voir, il y a plein de vidéos en direct des barrages, etc. Et du coup, c'est la plupart des sons viennent de ça. Et du coup, ben voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, et c'est un texte, je vais pas le lire, mais en tout cas, je vous invite à lire un texte qui s'appelle La dynamique de la lutte sociale aux Antilles, qui est un entretien avec Philippe Pierre-Charles. En gros, c'est un mouvement trotskiste, il me semble qu'il est martiniquais, je ne suis pas sûr. Bref, il raconte un peu comment ça se passe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre comment depuis quelques décennies maintenant, en fait, le mouvement social se tisse en dehors des partis politiques. Il se tisse entre collectifs, entre groupes de jeunes, entre collectifs de jeunes, entre collectifs de lutte d'une corporation, d'une thématique, et avec des syndicats plus larges. Bref, du coup, tout ça entraîne aussi l'investissement de la population, qui n'est pas forcément des collectifs organisés. Et du coup, bah, justement, j'ai trouvé plusieurs sons de personnes qui témoignent et qui parlent de leur vision du blocage, et notamment voilà cette femme, on va l'écouter. Hop, et c'est parti. Pendant un an et demi, le gouvernement nous a bloqués financièrement, a bloqué nos vies, nous a donné des restrictions de vie, nous a demandé, nous a obligés d'aller à cet endroit-là plutôt qu'à cet endroit-là, avec un certain kilométrage, 5 km, 10 km, 19 heures, 18 heures, 20 heures, fermer des entreprises à nous. Nous n'avons rien dit, nous avons dit amen, parce que c'était l'État. Aujourd'hui, nous avons des frères au combat pour défendre notre dignité, notre respect, notre liberté. Eh bien, soyons conciliants, soyons... Venons avec nos frères, au contraire. Faisons de nos départements, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, faisons des territoires morts pour montrer au gouvernement que nous sommes un peuple uni quand il s'agit de toucher à l'un de nos frères. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous le faisons par choix, pas par obligation. Nous choisissons notre mode de vie, nous choisissons nos études, nous choisissons notre métier, nous choisissons notre maison, nous choisissons notre véhicule. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas été dans l'obligation de faire quoi que ce soit. Qu'on nous laisse dans notre liberté, notre respect fondamental et notre droit à la vie. Et tant qu'ils seront dans la répression de nos vies, tant que nous serons dans l'obligation d'agir. Pourquoi parler des politiques? Est-ce que vous sentez qu'ils ont représenté l'obligation là, ça? Je dis que non. Alors, comme les politiciens qui sont à même de nous représenter et de former une table ronde pour défendre nos intérêts ne sont pas en mesure de le faire, alors nous prenons la route. Et tant qu'ils ne s'assieront pas pour défendre nos droits fondamentaux et notre liberté de vie, eh bien, tant que nous serons dans la rue pour défendre nous-mêmes ce qui nous appartient et ce que nous savons faire, parce que nous ne pouvons pas aller les représenter, n'est-ce pas? Qui nous écoutera? Qui est à même de nous recevoir, si ce n'est qu'eux? Mais comme ils sont absents, eh bien nous sommes présents sur le terrain. Voilà, c'est la conclusion. Comme ils sont absents, nous sommes présents sur le terrain. On en parlera plus tard sur le rapport avec les politiciens. Oh, peut-être même, je vais en parler maintenant. C'est qu'en gros, par exemple, là, Darmanin, etc., et le préfet, etc., annoncent le début des négociations avec les représentants politiques de l'île. Voilà, sauf qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces représentants politiques sont complètement déconnectés de ce qui se passe sur le terre-terre. Et ce qui se passe sur le terre-terre, du coup, quand on écoute en tout cas cette personne, eh ben, ce n'est pas contre le pass sanitaire le problème, c'est sur l'obligation vaccinale et contre la restriction des libertés, mais aussi contre la répression, car effectivement, tout mouvement social en Guadeloupe, mais aussi ailleurs, dans les territoires colonisés aux Antilles, etc., on font face à la répression particulière. Et du coup, voilà, là, il y a aussi la lutte contre la répression. On va écouter un autre témoignage d'une autre femme qui est intéressant parce que là aussi elle parle du vaccin. En fait, elle indique que c'est pas une histoire de vaccin, mais ça va bien plus loin. On écoute. On ne doit pas, Guadeloupéens, subir et rentrer dans le jeu qu'on veut nous faire jouer. Il n'y a pas de vaccinés contre non-vaccinés. Il y a tout simplement une population, une grosse partie de la population qui dit non à l'obligation vaccinale, une grosse partie de la population qui dit respecter nos libertés. Aujourd'hui, si nous ne nous mettons pas à côté des pompiers, à côté du LKP, à côté de la société civile, parce qu'il n'y a pas que les syndicats, il y a aujourd'hui le citoyen lambda qui lui aussi dit stop. Arrêtons cette répression. Et je suis maîtresse de mes mots. Je dis répression. Qu'elle soit psychologique, et on l'a vu avec le molestage des manifestants, elle est aussi physique. Alors, monsieur le préfet, faites votre travail parce que vous êtes là pour que le maintien de l'ordre soit fait. Aujourd'hui, nous avons des Pointois qui pleurent parce qu'ils ont perdu 40 ans de travail. Je leur dis bon courage à eux tous parce que je sais que c'est difficile. Mais comme on dit, lorsqu'il y a des revendications, il y a toujours des dommages collatéraux. Et malheureusement, ce sont encore des Guadeloupéens qui sont sujets à ces dommages collatéraux. Donc, bon courage à tous, mais la lutte continue. Nous ne devons pas baisser les bras pour nos enfants. Voilà, nous ne baissons pas les bras pour nos enfants. Et du coup, voilà. Donc là, elle met aussi beaucoup l'accent sur la répression. Et on abordera ce sujet après le prochain morceau. Mais avant, une autre parole de personne impliquée dans le mouvement, c'est parole prise donc, par cette télé guadeloupéenne. Et c'est la parole d'une personne sur un barrage. En gros, pour raconter le contexte, le journaliste va sur un barrage où c'est des personnes cagoulées qui le tiennent et qui alimentent un brasier. Et du coup, voici ce que dit une des personnes, enfin deux personnes. Allez, vous allez voir, ça dépasse encore le pass sanitaire. C'est le pass sanitaire, mais bien plus que ça. Le problème aussi, c'est que vous voyez les gendarmes. Vous voyez des gendarmes. Mais le fait que vous voyez les gendarmes, c'est mon âme qui pense que vous avez fait un choix. Et ce n'est pas la bonne solution. À pas gendarmes pour voyer. C'est parler pour parler. Nous demandons des bites. Il faut ben nous, c'est tout. Et à part le pass sanitaire, la vaccination, il y a l'autre problème en Guadeloupe. Comme par exemple les retraités, ils ont par exemple touché l'argent par mois. Ils ont des difficultés à payer un poids ou autre. Mais c'est ça, c'est aliment la chair. C'est plus là qu'à monter. C'est plus là qu'à monter. Essence là qu'à monter. Gaz là aussi qu'à monter. Ça, franchement, ça pas normal. Ça pas normal. Il faut nous faire habiter. Déjà payé là, il faut nous faire habiter par ça. Parce qu'il faut nous solider. Et les gens, il y aura passé là. Il y aura dit, ah, si j'ai un café, si j'ai un café, ça. Mais nous avons fait habiter. Nous avons fait habiter. Bon, nous. Bon, Timoun, nous. Les nous qui fait Timoun. Pour ce Timoun, a bien. Nous avons l'unité, bon, nous. Et ça, il ne pas comprendre ça. C'est ça le problème aussi. Démission immédiate du préfet. Parce que monsieur, pas qu'à servir à rien. Oui. Il n'a pas servi à rien. Démission. Démissionner, préfet là. Où sont tes bons, pas servir à rien. Eh bien voilà. On était en direct sur Canal 10. Vous l'avez bien vu. Alors, je répète, on est à Bouliki. Donc voilà. La situation est figée. La situation est figée car sur place, du coup, les blocages continuent. Et on va, si on va parler de la répression tout à l'heure, on a appris aujourd'hui que la préfecture se félicite d'avoir arrêté 38 personnes cette nuit en Guadeloupe. Et ben voilà, un petit, faire un petit morceau et après on va parler de la manif et puis après la répression. Voilà. Avant un autre extrait, mini extrait, qui sert d'introduction au morceau. Le morceau, j'ai pioché un peu dans ma playlist antillaise, mais c'est pas un Guadeloupéen, il me semble. Eugène Mona, je crois que c'est un Martiniquais. Bref, je peux me tromper, vous chercherez sur Wikipédia. En tout cas, le morceau c'est Eugène Mona, Angulo Selanmo. Allez, c'est parti. D'abord, avant ça, les omelettes. Enfin, ce que je peux dire bonjour, ce que je peux dire, c'est que on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Voilà. Donc, voilà. C'est un mal pour un bien. Je pense, c'est un mal pour un bien. On verra bien. Il faut qu'on ait une solution. Il faut qu'on trouve une solution à cette situation. Et pourquoi vous êtes aussi compréhensive? Écoute, la cause est légitime, hein. La cause est légitime, hein. Ça c'est l'hymne national de la mort. Mais pas ça aussi les morts ni leurs souvenirs, ils ont passé par le chemin de la vie, mais moi et peu nous savons nous qui passé par le chemin de la mort. Piti biti biti, nous toute la caille passée. Piti biti biti, faut que nous passer quand même. Passer nous qu'à passer. Passer en l'éther. Yo, changez nous, pour y'a bain non volé. Pour tout crier volé, ça y a volé guitare. Pour tout crier volé, bon Dieu parle ou l'air mort. Passez nous qu'à passer, passez en l'été. Mais en 10 phrases qui fait faire méditer, c'est pas en celle saison, bœuf la bousin la tchée, mouche la rapiche fort, et il pas ni saison. Avant les arrivées, en nous danser les lèvres. A goulous di ke apa, yo mande bien a goulous, nous c'est le cadavre de route. A goulous di ke aman, a goulous di ke apa, yo mande bien a goulous, nous c'est des cadavres de route. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. A goulous la poupiche ou, a goulous parle l'argent, a fait comme les théâtres, nous c'est des cadavres de route. A goulous la poupiche ou, a goulous parle l'argent, a fait comme les théâtres, nous c'est des cadavres de route. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Thank you. voilà, c'était Eugène Mona, Angoulous Selanmo, et là, ce que vous entendez en fond, c'est le son d'une manif qui a eu lieu cette semaine en Guadeloupe. Voilà, ça donne déjà un peu aussi l'ambiance des manifs là-bas, et aussi, pour en parler, mais de la tentative, enfin de l'action de faire que les manifs reprennent le patrimoine guadeloupéen, notamment le patrimoine du carnaval. On pourrait en parler longtemps. Voilà. Bref, on va enchaîner du coup sur les manifs, parce que du coup depuis ce mouvement, ce début de blocage, il y a des manifs, il y a des choses et aussi beaucoup de répression. Les soirs, les nuits sont tendues du côté de la Guadeloupe. Il y a beaucoup de blocages, d'incendies, de pillages aussi. Et du coup, forcément, les journaux métropolitains se délectent de ces témoignages de pillages, notamment, il y a une armurerie qui a été pillée, il y a eu des coups de feu tirés sur les forces de l'ordre, et donc un argument supplémentaire pour envoyer les keufs du raid du GIGN là-bas. En tout cas, ce qu'on voit aussi sur les sons et les manifs, c'est que il y a aussi une violence policière, et on va essayer de passer un son de manif. On va passer d'abord des sons en vrac, des sons, c'est issu des réseaux sociaux, c'est des sons de blocage et tout ça, et puis après on passera à d'autres pastilles sonores. Allez, c'est parti. L'argent est bloqué, prise d'assaut, les gars. Passé par Jarry. Et Jarry aussi est bloqué, donc chaud. C'est sympa à écouter ces bruits d'émeute et de blocage à la radio. Déterminé. Ah, c'est déjà perdu? Allô? Déterminé, fermé. En direct, on va aller à l'Ouest. C'est couillon. Donc ça c'est le son des blocages pendant la nuit. Et souvent c'est au petit matin que la police charge. On va écouter ça. Ok, la voiture bélier. Il fallait écarter, il procède à l'envahissement en fait du rond-point de Montebello en lançant des bombes acrymo. C'est fait, ils ont envahi le rond-point de Montebello, ils avancent pas à pas. Nous voyons que les jeunes ont déserté. Donc on peut monter Bilo et c'est la gendarmerie qui est envahie. Les militaires avancent. Ils avancent, ils ont pu franchir le rond-point qui était barré, ils ont pu le franchir. Et les équipes sont en train de se déployer. Nous regardons live ces images. Comment? De la crimine. Regardez, messieurs. Je suis obligé de m'éloigner. De la crimine un peu partout. Mesdames et messieurs, nous allons pas tarder à vous quitter. Ça commence à devenir très dangereux. De la crimo qui se balance de partout, à gauche, à droite. Nous voyons le déploiement en fait de ces militaires sur la zone de Montebello. Et regardez les bombes. Donc ça, c'est ces sons, c'est ce qui se passe les journées. Et du coup, en fait, la journée, c'est en gros, c'est un jeu de chat et de souris. En gros, les flics démontent des barricades qui sont remontées un peu plus loin, qui sont après démontées, puis remontées un peu plus loin. Bref, voilà. Et du coup, ben, l'arrivée sur place du GIGN et du RAID, ainsi que de véhicules supplémentaires. Notamment, là, on entend, on voit, c'est les véhicules de gendarmerie blindés là, qu'on peut voir dans certaines manifs métropolitaines, mais il y en a beaucoup sur place et du coup, qui permettent de défoncer les barrages. Voilà, on peut se demander comment ça va se passer là, comment ça va tourner les soirs là-bas et les soirées et les journées là-bas. En tout cas, il y a des personnes qui ont été arrêtées, 38 personnes cette nuit, et du coup, ben, je voulais quand même passer un petit son. C'était un son devant un commissariat. Alors, si je le retrouve, c'est un son que j'ai trouvé de pris devant un commissariat où des personnes sont arrêtées. Je vais d'abord passer ce son-là. Excusez-moi, hein, je suis un peu comme je peux. Et du coup, voilà, c'est un son d'une attaquation avec un keuf qui vient pour essayer de parlementer avant de dégager, faire intervenir les keufs sur le barrage. Donc on va écouter cette altercation. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Sont-ils arrivés? Ok? A qu'à fini? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? A qu'à fini? Pendant qu'on vient couillonner nous là, pour dire nous, ouais, qu'on a fait, etc., on sait très bien foutre nous dans nos coups. En bas là, on sait très bien où j'ai arrêté camarade à nous, on connaît tout le bidon là. Donc, on va venir parler de nous comme si nous sommes des mangoustifs. Donc, on va dire, commandant, capitaine, on va encore nous respecter. D'accord? Donc, nous allons redire encore, nous là, d'avoir que nous n'y des revendications que tout le monde a payé Guadeloupe connaître. Non à l'obligation vaccinale, non au pass vite. Autrement dit, peuple Guadeloupe, qu'a dit autres, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix avec Vita. D'accord? Et ça, on gagne Vita. Si nous ne respectons nous, capitaine, non, je ne parle pas, commandant. Ok? Si nous ne respectons nous, on nous parle très clairement et on nous passe couillonner. C'est un minimum de respect que nous commandons. D'accord? C'est tout. Un minimum de respect. Bon, alors. Et nous avons dit encore que tous les politiques, Pipili Zombo que nous nions, tout préfet, toute rectrice et ARS donnent les revendications que nous avons là depuis 4 mois. Non à l'obligation vaccinale, non au pass sanitaire. C'est ça que nous voulons. Et nous avons dit, et nous avons redit, tout peuple Guadeloupe, descendre, joignez-nous, tout partout là, nous mobiliser. De façon à ce qu'elle nous fasse, ces messieurs, tchouler. Et respectez-nous. Nous bien comprenons-nous? Okay, donc, vous pouvez rester là. Totalement. Ok, très bien. Allez, merci. Voilà comment est reçu les keufs sur les barrages. Et voilà l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, mais aussi contre la répression et l'ordre colonial français là-bas. Et avant, pour finir, du coup, ce son trouvé d'un rassemblement devant un commissariat où des personnes sont incarcérées. sont enfermés. Donc depuis, on a su que 5 personnes au moins ont été déférées. Et voilà, 5 personnes sur, du coup, maintenant, une, à peu près un peu plus de 60 personnes arrêtées. Un petit son de chant devant un rassemblement, devant un comico. Seum, haine, c'est la vibe dans laquelle je suis, chaque seum, haine. Je verrai bien quand j'y serai, ne m'en dis pas trop. Je trouve le monde suffisamment laid, je préfère ne pas avoir des yeux dans le dos. Ma fatalité farouche, je démarre feu rouge, je ferme les yeux. Passion zéro dans une histoire où le pessimisme serait contagieux. Je passe à voir la longueur du chemin, je verrai bien prêt pour la fin. C'est pour qu'on ne me lise pas dans les lignes de la main que je serre le poing. Ma vie pue comme mes pieds quand je rentre du taf. Pourquoi faire gaffe? La mort c'est la NBA. On finit tout choisi au premier tour du draft. C'est contagieux, ils chopent tous les solutions pour que le monde soit mieux. Je suis mauvais grimpeur, l'avenir est montagneux. Mes punchlines n'est plus triste, éclate tes égo trips. On m'étripe pendant que tu négocies. D'ici, on te démarre comme une gossip. La fierté de mon bled, une île de déportation, l'asservissement. Comprends que je sois mal programmé pour le mode divertissement. Qu'on vienne d'Afrique ou les 10 ans, la mémoire baigne dans le sang. Je fais les rêves noirs et épuisants dans lesquels j'égorge des puissants. Vous pouvez ranger le rosé et les verrines. Je sais que je pourrais donner l'impression que je me sous-estime à chaque nouvelle rime. Je reste plongé dans des mauvais rêves quand le jour se lève. Football station, 12 years a slave. On a tous chez nous des présents qui encombrent. J'ai dû dire merci, la vie m'a offert une pelle pour creuser ma tombe. On rigole, mais on sait très bien que ça va mal finir. C'est de plus en plus pire. Je m'économise dès qu'il s'agit de s'investir. Je m'économise et me retrouve à écrire ces lignes en espérant que tu puisses t'y lire. Non. Non, je n'ai aucune attente, vos applaudissements ne font que m'évoquer une pluie battante. Mon fonctionnement, mes horaires me ruinent en honoraire, le droit, la médecine, mon cul, on se retrouve détenu à réclamer l'infirmière. Parfois je regarde la merde dans laquelle je me mets et j'en suis fier. Parti de rien, j'oublie pas d'où je vais. Consciencieux comme tout que mec a pris conscience qu'il allait crever. Mais au lieu de vrai pour de vrai, je fais que de creuser le fossé entre ce que je deviens et ce que je devrais. On me dit que je suis fort, je suis bluffé. Dans le fond, je pourrais me jeter du pont qu'il y a au milieu d'une chanson. Épuisé à cran. J'écris ce qui m'adigne derrière l'écran. Fort de constater que ma vie c'est de la lettre branle. Mais pas de plan sur la comète. Juste des brèches que je colmate. Mais où dois-je me mettre? Moi qui suis vu comme un primat. Du droit chemin je m'écarte. Mon récit n'est qu'une défaite. Et puisque je gratte n'est pas d'humeur à la fête. Mais qui me pousse à la faute? Et je lâche de faire le pitre. Fumer, boire des litres. L'opium du pauvre pour l'élite. Et on m'a dit t'es en vie, t'es pas malade, donc c'est merveilleux. Le reste c'est des salades quand tu sors de ton pieu. Alors à qui j'en veux, je joue avec le feu, j'avance le ventre creux. un peu l'image du serpent qui se mord la queue. Depuis petit peu, je suis un peu torturé, j'ai des moments d'absence. Faut dire aussi que je regrette mon adolescence. Tous les soirs sur le fil du rasoir, je bouffe mon pain noir sur ma couette. Niveau ambiant, je me dis qu'il y a plus chouette. Je morfle, je jongle, je me gratte la tête, me bouffe les ongles. Vie des heures sombres, tous les jours je creuse ma tombe. Et tous les jours je me dis qu'il va falloir remettre de l'ordre. Vivre avec les chiens pour apprendre à mordre. Je vais crever, autant creuser maintenant. Prendre mes mesures et me peser. Qu'importe ma peau, mes vêtements, cette boîte n'osera pas me refuser. J'ai supplié secrètement les ténèbres de venir m'épouser. J'ai gratté complètement la terre où je veux me reposer. J'ai cramé les cloisons, j'ai quitté ma maison. Je suis trop épuisé, je m'emporte sans raison. Les gens sont déguisés, leurs yeux sont des tisons. J'ai bu pour apaiser mon trop peu d'horizon. Leur bonheur m'a baisé, j'ai cru en une liaison. Mes désirs sont usés, ma tête est une prison. Je sais pas cicatriser, je suivrai mes visions. J'attendrai la rosée et l'effet du poids. J'ai l'écrou et le flot qui agresse, j'avais le seum dès le berceau. Quand j'ai voulu retourner ma veste, j'étais le même recto verso. Faire du rap pour changer le monde, pour compter le nombre de j'aime. Quelle peine, quelle veine, quelle honte, insufflant, quel monde de merde. Préoccupation des êtres influents du 21e siècle puant. Par la thune et le sexe, l'air puissant, mais l'air déçu des bêtes insultant. Quoi qu'ils vontent, qu'ils chantent, qu'ils pontent, j'm'isole, c'est j'en buzz. Les ennemis ont les dents longues, mais les ennemis n'ont que des dents creuses. Certains s'enferment, d'autres se renferment. C'est ce que le climat enseigne, à part la souffrance, tout le reste n'est en fait que mise en scène. On se renferme, on creuse, l'introspection, on coule dedans. T'auras beau gratter, on nous, on a caché nos natures dans le double fond. Si la valeur d'estime était fidèle au caractère, je serais entier. Si la largeur d'esprit avait valeur immobilière, je serais rentier. Mais on est dans un monde éventré, au sourire édenté. Faites pas gaffe aux apparences, l'honnête devient trapu, le vice est élancé. Pas de chance, on s'est planté, et le futur reste planté là, s'écroule sous le poids d'un passé qui lui dit faut entrer là. On creuse sous vos récoltes, on creuse sous vos révoltes par réaction de façon. On creuse parce que c'est notre vision de l'élévation. Joie, courage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, courage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà, c'est après ce dernier morceau creusé avec Kazé, Virus, Al et Prodige que se termine ce Joie, rage et courage de novembre 2021. Et ben voilà. Un gros message de soutien à ceux qui tiendront les barricades en Guadeloupe et ailleurs. Et puis ben voilà, ça donne envie de se pencher sur tout plein de choses qui se passent dans les Antilles. Et notamment, ben voilà, il se passe aussi des choses en Nouvelle-Calédonie avec les histoires de référendum. Bref, on pourrait faire une émission, c'est trop bien qu'il y ait des émissions régulières sur Dio sur ça. Bref, en tout cas, Joie, rage et courage, l'émission sera mise en lien sur le blog joierageetcourage.noblogs.org, noblogs.org. Vous pouvez aussi nous contacter pour nous envoyer des messages, des insultes, des encouragements, et des idées sur la boîte mail clapclapclap@riseup.net. Vous pouvez aussi nous écrire à la radio. Bref, voilà. On revient le mois prochain, quatrième dimanche du mois. Je sais pas quand ça tombe, mais ça va bien tomber, c'est sûr. En attendant, merci à tous d'avoir écouté. Un petit message, merci aux personnes qui ont appelé. Et puis, pensez à ce qui se passe à la Talo où il se passe des trucs. Donc, bon courage à toutes les personnes enfermées. Et à bientôt sur les ondes ou dans la rue. Allez, ciao! Sans travailler, on lasse vos frères dans la rue caracailler. On nos concitoyens pour vivre qu'à batailler. Pendant si temps, on est décidé qu'à chamailler. Putain, là, au sérieux, tout le monde avait chiffré. Ni ça qui a craqué, ni d'autres qui a sniffé. On n'a pas qu'à forcer, yo, pis si m'étilé. Ça qui a dormi des on la rue qu'a traîné. Ça ferait malgré tout ça, faut pas nous perdre l'espoir. Nous qu'à prendre micro là pour parler pas perdre là. On nous ni pouvoir si qu'elle a été là. Tout dans les coupables, vous payez tête là. Mon Dieu, va moins force. Mon Dieu, va moins force. Condition optimale, la laisse à official. Nous qu'a payé au plus mal, tout pas tout au plus sale. Le point moins ça pas que normal. On paye contre nous, ni pour oublier qu'on s'étoile. Chômage qui tini, la jeunesse qui a parti. Et les offres au parti, ça arrête de vous finir. Pour les pipitis, c'est un des mains pas cibés. Ça arrête de filer tout être en bas, lieu qu'a tiré. Attends les mouvements, et tout le monde qu'a foucan. Les bad boys qu'a chassé, comme moustique et boucan. C'est pour ça yo qu'a dit, y'a rien fait pas fait ici. Nous en passionné, puis tout regard quand le physique. Pas loupé, c'est des parois, consommation. Nous qu'a fait nous braquer, pas ni sommation. Nous paye qu'est-ce qu'on y veut. Si ni isolation, si t'y ni un problème, si t'y ni solution. Mon Dieu, bah moins force. Mon Dieu, bah moins force. Mon Dieu, bah moins force. La vie, la vie, plus rough. Mon Dieu, bah nous force. Mon Dieu, bah nous force. Mon Dieu, bah nous force. La vie, la vie, plus rough. Yo fait diviser nous, venez qu'à tuer nez. Nous pas fabriquer d'un million tous les 10 mètres. Qui j'en sa péfette, obligé ni composité. Matos qu'à transiter pendant un siècle à faire. Sous pression, en vieille situation, en mauvaise direction, en paquet de réflexion. Bon, y'en attend nous, pas sa chance à Kevin. C'était ni nos belles sous, à l'aise, c'est mes débiles. Plus voyou, qui n'est à tout, à si wizzy. Chaque jour, quand t'es fait, faut y'a pété physique. Nous, j'a pas les baillots, nous, j'a dit y'a faut easy. Chaque jour, en fait, il fait un grand, un point senti. Réalité en nous, pratique en calmenti. C'est soit on va forcer, c'est soit on son nanti. Un pas capitalisé, un capini anti. Gardez tout ça qu'a fait, qui chanfle le gentil. Mon Dieu, bah moins fort. Mon Dieu, bah moins fort.